en Russie, puisque il apporte le savoir-faire français, mais dans le même temps, il est attentif à tout ce qu'on fait également en Russie. La ruse, une stupéfiante histoire vraie. Nous allons jouer un sale tour pour ridiculiser Hitler. Hitler devra croire que nous voulons envahir la Grèce. Nous allons devoir lui montrer des preuves. De fausses preuves, bien sûr. L'opération la plus ingénieuse des services secrets. Un cadavre portant de faux documents. Il faut commencer par... lui donner un nom. La supercherie qui doit tromper Hitler et changer le cours de l'histoire. Il est impossible de reculer. La ruse, avec Colin Firth, actuellement au cinéma. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La Russie, une histoire à cheval sur deux continents, une histoire culinaire aussi. En 1815, paraît le pâtissier royal parisien où traité élémentaire et pratique de la pâtisserie ancienne et moderne. Il est signé Marie-Antoine Carême, Carême Antonin. Carême. Et nous pouvons y trouver des recettes, des évocations de plats fabuleux. Par exemple, parmi les potages, l'orge mondée à la russe. Ou alors sinon, il y a une darne de saumon à la russe, une soupe glacée à la russe, des petits passés à la russe et des rissoles à la russe. Bien sûr, il est question du service à la russe qui diffère considérablement du nôtre en ce que rien du service de cuisine ne paraît sur la table. Que paraît-il des relations entre la Russie et l'Europe? Mettons-nous à table. Marie Perret, bonjour. Bonjour. J'ai commencé avec ce pâtissier royal que vous connaissez bien. Vous avez publié Le premier des chefs, l'exceptionnel destin d'Antonin Carême. Antonin Carême, début du 19e siècle en l'occurrence pour cet ouvrage. À quelle vision de la Russie? C'est un monde à part? Ah, lui est très très intéressé par ce qui se passe en Russie et il s'y rend à l'invitation du tsar Alexandre Ier, dont il a fait la connaissance en 1814 lorsque le tsar entre à Paris à la tête des troupes alliées. Et c'est un moment très très important. Un moment important pour la France, pour l'Europe et pour la diplomatie. Il va falloir séduire le tsar Alexandre Ier et Talleyrand va donc recourir au génie de ce jeune cuisinier. Et on a là quelque chose d'intéressant puisque toute l'Europe est à Paris à ce moment-là. Carême va les séduire, mais Alexandre Ier aura la mémoire de ce qu'il a goûté chez Talleyrand et il va en quelque sorte réquisitionner Carême l'année suivante, en 1815, puis l'inviter à Saint-Pétersbourg. Et ce qui est fascinant avec Carême, et on est là justement dans ces transferts d'influence mutuelle plutôt sympathiques entre l'Europe, la France et la Russie, c'est que Carême va briller en Russie puisque il apporte le savoir-faire français, mais dans le même temps il est attentif à tout ce qu'on fait également en Russie et en particulier à ces fameux potages russes, ces soupes russes qui l'intéressent beaucoup et qu'il va retranscrire par la suite dans ses livres qui deviennent des best-sellers pour l'époque. Donc on est là vraiment dans une sorte de dialogue entre les cultures, dont il est un des passeurs d'influence. En sein des outils. Oui, un des passeurs dans ce monde exceptionnel européen après la chute de Napoléon. Il y a ce rapport à la Russie complexe, un rapport de rivalité, bien oui. Sûr, la campagne de Russie, la défaite. Et puis, il y a les représentations. Pour les Européens de ce monde, c'est le fruit d'une longue histoire de regarder la Russie, d'imaginer ce pays lointain. Comment est-il encore considéré? Est-on plutôt vers l'Asie, plutôt vers l'Europe ou alors dans un entre-deux? Alors lorsque justement Alexandre Ier vient à Paris en 1814, il est bien conscient qu'il y a pour lui un énorme enjeu, qui est un enjeu non seulement diplomatique, politique, ça c'est une évidence, puisque il vient à Paris pour négocier le premier traité de Paris, il y en aura un second après les 100 jours, mais il vient à Paris en fait pour négocier la paix et proposer une reconstruction de l'Europe à venir, et ce sera ensuite le congrès de Vienne. Mais il vient aussi parce qu'il est conscient que Napoléon, dans sa propagande, a systématiquement mis en avant l'idée de barbarie russe, en disant que Alexandre, voilà, c'était le barbare du Nord. Et pour le tsar, il y a là un enjeu, qui est donc un enjeu symbolique, de faire la démonstration qu'il est européen, qu'il est un grand souverain, aussi civilisé que les autres souverains d'Europe. Et il va réussir son pari au point qu'il y aura, c'est ce que j'évoque dans mon livre, une vague d'alexandromanie, parce que tout le monde est absolument séduit de voir ce souverain qui parle un français sans accent, alors qu'on sait que Napoléon a toujours gardé son accent corse, qui a des manières élégantes et qui va visiter les hauts lieux culturels de la capitale française comme une sorte finalement d'œuvre et de démarches très respectueuses. Et on voit aussi qu'il connaît bien la France. Qu'il connaît bien la France parce que il a été élevé par sa grand-mère Catherine II dans une francophilie, dans un esprit ouvert aux Lumières. Et cela aussi va surprendre parce qu'on est loin de la caricature des Cosaques, selon l'expression du temps, bouffeurs de chandelles, mangeurs de petits enfants, qui avaient fait la une des gazettes. Alors il est vrai que pendant la campagne proprement dit, il y a beaucoup de violence, c'est la guerre dans son horreur. Mais une fois à Paris, les troupes russes vont faire la démonstration de cette civilité sur ordre du tsar, qui en a besoin pour sa politique et pour justement modifier cette image de barbarie, d'asiatisme qui colle à l'image de la Russie depuis des siècles. Marie-Pierre Rey, c'est ce paradoxe qui nous intéresse dans l'histoire de la Russie face à l'Europe. En 1815, eh bien, il y a cette fascination pour le tsar qui parle français et dans le même temps l'horreur, ces Cosaques qui arrivent. L'histoire de la Russie face à l'Europe, c'est une histoire de paradoxe. Oui, on est dans des deux côtés dans le paradoxe. Parce que la Russie, très tôt, dès Ivan le Terrible, est très extrêmement intéressée par tout ce qui se passe. En Europe, à vrai dire, en Europe occidentale, et en particulier la supériorité technique, technologique fascine Ivan le Terrible, et il n'hésitera pas à, une fois les guerres engagées, hein, parce qu'en même temps il a une politique vers la Baltique qui est faite de faits d'armes, il engagera par exemple des mercenaires allemands dans ses compagnies d'artilleurs, il va recourir à des anciens prisonniers livoniens comme spécialistes, etc., parce que il a la conviction profonde qu'il y a à l'Ouest une supériorité technique et technologique qu'il faut s'approprier. Mais dans le même temps, il y a une méfiance structurelle. Parce que, d'abord, le danger, à plusieurs reprises pour l'histoire russe, est venu de cette Europe occidentale, est venu de l'Occident. Il faut se souvenir que, dès le XIIIe siècle, il y a eu des guerres contre les Suédois, puis les chevaliers teutoniques. On a tous en tête l'image du film d'Eisenstein, Alexandre Nevski. Donc l'Occident, et en particulier l'Occident catholique, incarne une forme de danger. Mais là-dessus s'ajoute autre chose, qui est que cet Occident, eh bien, il incarne aussi des valeurs qui peuvent être dangereuses, subversives pour le pouvoir, en particulier au moment où le pouvoir d'Ivan au XVIe siècle s'engage dans l'autocratie. Donc il y a là une relation ambiguë, à la fois un intérêt, voire une fascination pour la modernité technique, technologique de l'Europe occidentale, et puis de l'autre côté, une profonde méfiance. Et côté européen, on a là un peu les mêmes types de relations assez ambivalentes, mais qui sont quand même à ce moment-là plutôt dominées par des images négatives. Même si on connaît mal la Russie, parce que il faut se souvenir que jusqu'au milieu du XVIIe siècle, il n'y a pas d'ambassadeur permanent à la cour moscovite, hein, à la cour russe. Donc on se rencontre finalement soit par la guerre, soit par les marchands de la Ligue hanséatique qui s'aventurent en Moscovie, soit par les ambassadeurs extraordinaires qui sont envoyés lorsqu'il s'agit de négocier la paix. Et donc, on a des contacts intermittents, mais qui systématiquement véhiculent des images plutôt négatives. Et parmi ces images négatives, on peut considérer qu'il y en a finalement trois formes côté européen. La première forme, c'est vraiment l'image d'inculture, de barbarie, d'inculture parce que finalement la culture russe est mal connue, mal comprise. Donc l'image, quand on ne comprend pas souvent, c'est de dire non, ça ne vaut rien. Donc il y a ce mépris. Et puis il y a aussi une inquiétude face à ce pouvoir qui a mauvaise réputation parce qu'il est un pouvoir de type absolu, dur à l'encontre de la population. Ça, c'est le deuxième point très important. Le règne d'Ivan le Terrible, justement terrible par la violence de ce règne, effraie les observateurs et leur renvoie une image vraiment anxiogène. Et puis la troisième image, c'est le danger que peut représenter cette Russie qui commence à aller vers la Baltique et donc qui menace en quelque sorte l'Europe. Donc ce sont ces trois images qui dominent et on a encore peu, très très peu d'images positives ou en tout cas ouvertes à la différence que représente cette Russie orthodoxe. Marie-Pierre Rey, vous écrivez « La Russie face à l'Europe » et au moment de publier un tel livre chez Champ Histoire, c'est vrai qu'il y a les bandes chronologiques et on les met sous le titre. Vous avez choisi, alors pour la fin c'est facile, c'est Vladimir Poutine, c'est-à-dire à nos jours, mais c'est le début qui est toujours très difficile. C'est d'Ivan le Terrible à Vladimir Poutine. Et pourtant, bien sûr, dans votre livre, vous évoquez le avant Ivan le Terrible, parce que la notion même de continent, d'Europe, d'Occident sont des notions floues. Il y a la chrétienté, il y a d'autres mondes. Mais pour ceux qui sont sur le territoire qui aujourd'hui s'appelle Russie, tout l'Ouest a sans cesse été intéressant et peut-être plus que l'Ouest, le Sud vers Byzance. Oui, alors en fait, c'est important à mentionner dans le livre, je reviens un petit peu en arrière évidemment, mais le plus important bien sûr, c'est d'abord de souligner que tout cet espace russe a reçu le baptême de Constantinople, de la chrétienté orientale, et on sait que le baptême de la Russie s'est fait en 988, donc du temps de la principauté kievienne, laquelle principauté a ensuite éclaté en diverses principautés qui se sont émancipées et qui ont pris le large, si je puis dire, et qui ont évolué de manière différente. Mais ce qui est important à souligner, c'est que la chrétienté a été très tôt un marqueur identitaire très très fort. Et il est important de mentionner aussi que lorsque les Mongols ont envahi tout cet espace russe, ils l'ont fait avec une extrême violence. On a des récits absolument terribles. Mais une fois la soumission obtenue, en particulier via le paiement d'un impôt en nature qu'on appelle le yassak et qui sera ensuite conservé. Les Mongols n'ont pas touché aux monastères, aux églises. Et les monastères et l'église, finalement, ont très vite été comme des lieux de résistance implicite à ce pouvoir mongol, d'où un lien très fort qui s'est installé entre orthodoxie et russité. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental et qui va être, je dirais, renforcé encore plus au fil des siècles, parce que, comme je le disais il y a un instant, les dangers les plus importants, si on met à part l'invasion mongole, ont été incarnés par justement des pays qui étaient catholiques. Et on peut évidemment mentionner, c'est un point très important, l'occupation du Kremlin par les Polonais en 1612, qui évidemment réactive la haine du catholique, presque autant finalement que la haine du mongol, serait-on tenté de dire. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Et Ce qui est très frappant, c'est que lorsque, en 1812, la guerre va de nouveau éclater entre donc Napoléon, bon, qui quand même représente une nation catholique, et que Alexandre Ier va l'emporter, eh bien, en presque une sorte d'ex-voto, il ne va pas construire ou faire élever une sculpture à sa gloire, mais il va, et c'est très intéressant, faire ériger une sculpture en bronze qu'il va être placée devant Saint-Basile à Moscou sur la place Rouge, et qui représente les deux grandes figures qui ont précisément bouté, si on peut dire, les Polonais hors d'Europe en 1612, c'est-à-dire deux siècles avant, comme s'il y avait une sorte d'inscription dans le temps, et avec toujours cette obsession du danger venu d'Europe, et en particulier venu du catholicisme, en 1612 comme en 1812. Très intéressant de voir, toujours dans des mondes baignés de religion, combien l'identité religieuse sert aussi le pouvoir politique. Absolument. Ça renforce ce pouvoir. Et puis, dans le même temps, dans cette longue histoire de la Russie, il y a la construction d'un État, d'un empire. Bonsoir. Depuis qu'il a épousé Zoé, la fille du dernier empereur de Constantinople, Ivan III de Russie se considère comme l'héritier des empereurs byzantins. Il décide de porter le titre gréco-romain de César, ce qui se dit tsar en russe. Comme emblème, il prend l'aigle impérial à deux têtes. Il adopte également la religion et l'alphabet byzantin. Quant à son épouse, Zoé, que les Russes appellent Sophie, elle a décidé de faire venir d'Italie des artistes et des ingénieurs pour reconstruire le Kremlin. Là, nous étions dans l'émission de FR3, le passé en direct en 1982, à propos de ce moment au XVe siècle, 1477, quand Ivan III... Alors, cette notion de tsar qu'il adopte est intéressante, hein, oui. Tsar, César. Parce que, dès lors, toujours dans cette réflexion sur l'inscription de la Russie en Europe, être l'héritier des Césars, ce n'est pas rien. Absolument. Et il a besoin d'affirmer cette légitimité, et il épouse donc Sophie, qui était la nièce du dernier empereur de Byzance. Donc on a vraiment une symbolique et l'affirmation d'une filiation. Et ça, c'est très important en termes d'image et aussi en termes, je dirais, d'affichage vis-à-vis des puissances européennes. Alors ce qui est très intéressant dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est que donc Ivan III, qui est un très grand tsar, c'est lui qui va unifier les terres russes et justement ramener dans le giron russe un certain nombre de principautés. Alors il le fait par la guerre, mais également par la négociation, par des alliances, des mariages, des alliances de cet ordre. Donc un grand tsar, et non seulement donc qui étend le territoire et qui unifie les différentes terres russes, mais qui se dote de cette légitimité venue de Byzance, avec cet aigle à deux têtes qui est important parce que il montre évidemment cette dualité de la Russie, alors qu'il est encore moscovite, puisqu'Ivan III unifie des terres russes, on n'est pas encore comme on va l'être avec Ivan le Terrible dans la conquête de terres qui faisait anciennement partie de la Horde d'Or. Là, on est dans une unification de l'espace russe au sens large du terme, avec donc cet aigle à deux têtes qui regarde vers l'ouest, mais également vers l'est. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce qu'on vient d'entendre, c'est l'idée que Sophie, qui est extrêmement cultivée, plus cultivée qu'Ivan Ivan III, va de fait s'adresser, faire venir des architectes italiens pour reconstruire le Kremlin, le construire en pierre. Et ça, c'est très important, puisque les architectes italiens avaient à l'époque des savoir-faire, une maîtrise de cet art que les Russes n'avaient pas. Et Sophie, donc, qui a à cœur de d'embellir la ville, mais de la rendre aussi plus sûre face aux attaques potentielles, va faire venir donc ces architectes. Autre point aussi, et qui revient à ce que je disais tout à l'heure quant à l'image un peu angoissante de ce tsar, c'est que Ivan III emprunte à Byzance une conception autocratique d'un pouvoir qui vient de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc désormais, il n'est pas un primus inter pares, il est le tsar, celui donc qui est au-dessus des autres par la volonté de Dieu. Mais dans le même temps, il intègre également un certain nombre de pratiques empruntées à la conception politique des Tatars, de ce dont il s'émancipe, parce que c'est lui qui, en 1480, se débarrasse définitivement, qui dénonce le joug mongol. Mais en s'en débarrassant, eh bien, c'est un peu le paradoxe, mais il va introduire un certain nombre d'usages, dont la peine de mort, la torture, qui évidemment vont accréditer cette image extrêmement angoissante de ce pouvoir russe, à la fois sacralisé par Byzance, mais également très dur dans ses pratiques via cet héritage mongol. Un héritage mongol, un héritage byzantin. C'est vrai que c'est une histoire de transfert culturel, absolument, transfert d'influence. Et c'est en cela que l'histoire de la Russie est intimement liée à celle de l'Europe, dont elle fait partie. Mais la notion même de continent n'est pas pertinente dans toutes les périodes que nous évoquons. Vous avez évoqué, Marie-Pierre Rey, la terreur que pouvait provoquer certains tsars. Eh bien, il y en a un à qui nous avons attribué ce surnom de terrible, une traduction que l'on pourrait discuter, c'est évidemment Ivan le Terrible. C'est la musique composée par Prokofiev, Sergueï Prokofiev, pour le film d'un autre Sergueï Eisenstein, Ivan le Terrible. Nous sommes dans les années 1940, évidemment une portée idéologique très forte pour ce choix d'Ivan le Terrible. Que représente-t-il dans l'histoire de la Russie, Marie-Pierre Rey? Il regarde, lui, un peu plus vers l'ouest. Alors, Ivan le Terrible, le règne est très long, hein, donc on ne peut pas dire qu'il y ait une seule image, mais il est celui qui a voulu avancer vers la Baltique, faire de la Russie une puissance maritime, donc avec l'idée Baltique et mer du Nord, pour en quelque sorte échapper à la fatalité continentale de la Russie. Mais évidemment, sur son chemin, il va rencontrer donc des puissances, hein, qui sont plus élaborées, entre guillemets, plus développées que la Russie, et c'est la raison pour laquelle cette tentative de guerre en Baltique va à la fois rencontrer des succès de court terme et puis un échec de long terme, et ce sera très coûteux pour le trésor, très coûteux en vies humaines. Donc le règne d'Ivan le Terrible, de ce point de vue-là, est un règne difficile, puisque cette volonté d'avancer vers la Baltique ne se fait pas sans difficulté majeure. Dans le même temps, et c'est tout le paradoxe, il va accueillir un certain nombre d'étrangers, comme je le disais tout à l'heure, hein, des spécialistes, des militaires allemands, anglais, dont il a besoin. Et c'est aussi à des Anglais qu'il va confier le début, enfin une sorte de concession, hein, d'autorisation, pour que des industriels anglais commencent à développer un centre métallurgique jusque-là inconnu en Russie. Donc, avec toujours l'idée de faire entrer un savoir-faire, des techniques qu'il ne maîtrise pas encore. Et dans le même temps, il écrit à la reine, c'est très intéressant, à la reine Élisabeth Ière d'Angleterre, justement pour qu'elle autorise ses marchands à venir, tout en lui faisant des reproches. Et il a ce mot très intéressant où il lui reproche de partager son pouvoir avec des marchands. Et là, on a vraiment de nouveau, hein, l'idée d'un caractère sacré de ce pouvoir autocratique qui ne se partage en rien et avec personne. Donc, de nouveau, un regard ambivalent sur l'Europe de sa part. Yvan Le Terrible, nous sommes au XVIe siècle, oui. Donc, et c'est cette construction qui, vraiment, nous le sentons étape après étape, ajoute à la représentation des uns et des autres sur la Russie. Et il est certain qu'avec Yvan Le Terrible, la notion même de Russie est là, Marie-Pierre Rey, c'est-à-dire que nous allons trouver tous les fils qui vont nous permettre de retracer, j'ai presque envie de dire jusqu'à aujourd'hui, les grandes lignes de l'histoire de la Russie. Il y a cet aigle à deux têtes qui regarde toujours vers l'Asie et toujours vers l'Europe. C'est une constante, il n'est pas possible de raconter l'histoire de la Russie seulement d'un côté. Il faut toujours prendre les deux côtés. Absolument, parce que il y a toujours eu une double avancée et Yvan le Terrible non seulement renforce son pouvoir autocratique, mais de facto, avec lui, la Russie va devenir un début d'empire. Vous le mentionniez parce que on n'a pas encore le titre d'empire. Le titre d'empire, ce sera plus tard Pierre le Grand qui va le prendre. Mais on a déjà de facto un empire parce que avec les conquête des khanats de Kazan et d'Astrakhan, eh bien, ce sont en fait des terres tatars qui sont absorbées par la guerre et qui entrent dans, qui tombent dans l'escarcelle russe. Et à partir de là, c'est très important puisque de facto dans cet espace russe, moscovite, hein, eh bien, on a des populations qui ne sont plus russes ni orthodoxes, hein, qui sont des tatars musulmans, et on a à partir de là un début de d'empire pluriconfessionnel et pluriethnique. Je ne dis pas encore multi puisque on est au début, mais en tout cas déjà pluriethnique et pluriconfessionnel. Et il est à noter aussi que toutes ces conquêtes, hein, les conquêtes d'Ivan le Terrible sont extrêmement violentes, mais ensuite, et ça c'est quelque chose qui sera une constante dans la construction de cet empire et dans l'avancée vers l'est et vers le sud, eh bien une fois la conquête, encore une fois ces conquêtes sont extrêmement violentes, une fois la conquête faite, dès lors que les élites acceptent de se soumettre, alors il y aura peu de prosélytisme religieux. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, en tout cas sur la longue durée. On verra que les choses évoluent à la fin du 19e siècle, mais la logique a été de dire que un sujet loyal de l'Empire russe, eh bien, n'a pas besoin de se convertir. Et ce qui compte, hein, c'est justement d'être loyal à l'égard du pouvoir autocratique. Marie-Pierre Rey, vous évoquez les sujets, vous évoquez les élites. C'est très important aussi dans cette histoire de la Russie. Si nous nous projetons un peu plus tard, à la toute fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, nous trouvons Pierre le Grand, chez nous c'est Louis XIV et ensuite le petit Louis XV, eh bien là aussi nous avons, pour essayer de comprendre comment la Russie s'inscrit dans un territoire plus vaste, à regarder ce que pensent d'un côté les élites et après, alors éventuellement ce que pensent les sujets, si on laisse le temps à ces gens de penser plutôt que de travailler. Oui, alors là, ce qui est évidemment à souligner avec Pierre le Grand, c'est qu'il est totalement obsédé par le retard, technique, technologique. Il veut faire de la Russie une grande puissance militaire et c'est la raison pour laquelle il va d'abord accomplir un premier voyage incognito, enfin... Bon, incognito, tout le monde sait qui il est, mais en tout cas, il n'est pas censé accomplir ce voyage en tant que souverain russe. C'est ce qu'on appelle la grande ambassade qui va l'amener à visiter plusieurs pays européens. Et son idée de se mettre à ce moment-là à l'école de l'Europe pour, encore une fois, en observer tout ce qui s'y fait en matière d'organisation militaire, mais aussi en matière d'organisation administrative, en matière de droit, etc., etc. Et ça, c'est un moment fondamental qui participe de cette volonté du tsar, encore une fois, de se mettre momentanément à l'école de l'Europe. Parce que c'est quelque chose qui doit être souligné. Pierre le Grand n'est pas un admirateur béat de l'Europe. Ce qu'il veut, c'est utiliser cette tout ce qu'on voilà tout ce qu'on peut y trouver de positif pour européaniser la Russie, pour l'aider à aller de l'avant. Mais il le fait à sa manière, c'est-à-dire avec brutalité. Pierre le Grand est toujours pressé, c'est vraiment une de ses caractéristiques extraordinaires. Et d'ailleurs, on a des textes très amusants de Saint-Simon, lorsqu'on pourra revenir sur ce sujet éventuellement, lorsque Pierre revient, enfin cette fois-ci viendra à Paris, en France, non plus incognito, mais en tant que souverain, la cour est saisie en se disant, mais il est toujours en train de courir, il ne respecte pas l'étiquette de ce point de vue-là, parce qu'il veut assimiler très très vite. Donc c'est vraiment un personnage de ce point de vue-là tout à fait hors norme, mais son idée, voilà, c'est en allant en Europe, lors de cette grande ambassade, se mettre à l'école de l'Occident pour faire entrer le pays dans le progrès et cette modernité. Mais ça va susciter des réactions et une opposition. Et c'est ça qui est évidemment très intéressant à partir du règne de Pierre. C'est que certains se sentent un peu violentés par ces normes que le tsar impose. Il faut se raser la barbe, par exemple. Il faut porter des vêtements à l'européenne, et il faut s'installer à Saint-Pétersbourg, une ville qui sort de marécage alors que Moscou est en pleine splendeur. Donc certains y voient vraiment une violence qu'on leur fait, et la tragédie sera que celui qui va finalement incarner cette forme de résistance et qui refuse cette européanisation forcée, ce sera le fils de Pierre le Grand, et le souverain va sacrifier pour sauver son œuvre, son propre fils. Et on voit bien à quel point, eh bien, on a là aussi beaucoup de souffrance, une tragédie derrière cet acte, mais aussi l'affirmation d'une volonté politique d'aller vers cette Europe, encore une fois, non pas pour de manière définitive et non pas pour s'y soumettre, mais parce que on a là des moyens de faire de la Russie une grande puissance, modernisée au plan militaire, mais également modernisée au plan administratif. Sans se détourner de l'Est. Absolument, puisque, au contraire, Pierre va, dans le sillage d'Ivan le Terrible qui avançait vers la Sibérie, eh bien lui aussi continuer à organiser des explorations pour prendre possession, pourrait-on dire, s'approprier l'Est, en particulier la Sibérie. Et puis dans cette politique entre européanisation de la Russie et puis identité très forte, entre autorité et puis quand même intérêt pour tout ce qui avance dans le monde des idées, nous trouvons dans l'histoire de la Russie un personnage absolument fascinant qui s'appelle Catherine II. Tant que je vivrai, l'Empire russe subsistera tel que me le dicte mon devoir, car il est si vaste que tout régime politique autre que l'autocratie lui serait préjudiciable. C'est en ces termes que Catherine II, attentive en bon élève de Montesquieu à découvrir entre politique et géographie de fructueuses relations de causalité, avait, dès le début de son règne, formulé son credo politique. Pourvue d'une autorité nouvelle, Catherine allait pouvoir désormais légiférer elle-même sur la base des projets soigneusement élaborés par les commissions de l'Assemblée. Là résidait le bilan essentiel de cet épisode législatif qui avait préparé les futures réformes administratives et sociales de l'impératrice. C'est François-Xavier Coquin, l'historien, spécialiste de la Russie contemporaine, qui s'exprimait en 1962 dans l'émission Heure de culture française. Marie-Pierre Rey, le personnage de Catherine II, là aussi, c'est toute cette ambivalence des liens entre la Russie qui regarde vers l'Ouest, qui oui. regarde notamment vers les philosophes français, et puis qui est complètement russe avec cette identité russe, avec toujours l'aigle à deux têtes, un coup d'œil vers l'Est. Oui, alors en même temps, il faut se souvenir que Catherine n'est pas russe elle-même. Hein. C'est une petite princesse venue d'une cour allemande, elle est l'épouse du souverain, et elle arrive au pouvoir par un coup d'État. Donc c'est quelque chose aussi d'intéressant, mais elle est devenue russe, elle s'est convertie à l'orthodoxie, et on peut dire qu'elle a vraiment porté une image de la russité extrêmement extrêmement vive, hein, extrêmement importante. Alors, elle est très attachée à dire, et elle l'énoncera, hein, que la Russie est une puissance européenne. C'est un texte qu'elle énonce, mais dans le même temps, effectivement, elle va poursuivre l'avancée vers l'Est. Alors, Le règne de Catherine est très long, hein, puisque elle règne de 1762 à 1796. Hein, donc c'est un règne qui lui a laissé le temps d'agir. Et elle est à la fois celle qui va poursuivre l'œuvre de Pierre le Grand, direction de la Baltique, et avec des nouveaux succès, mais surtout, elle va participer au partage de la Pologne. Et donc, l'Empire, à ce moment-là, va conquérir une partie de la Pologne, et donc là aussi continuer à s'avancer vers l'Ouest. Donc il y a des actions de type militaire, et en même temps, chez Catherine II, un très grand intérêt pour l'art, la culture, la philosophie européenne. Pierre le Grand était vraiment très pragmatique. La culture ne l'intéressait pas tant que cela. La science, oui. C'est ainsi que quand il vient en France en 1717, il se rend à la Sorbonne et il reviendra avec l'idée qu'il faut fonder une académie des sciences. Mais il est vraiment dans, je dirais, la science et tout ce qui tourne autour de la science. Catherine, elle, est intéressée beaucoup plus par la culture, comme l'était Élisabeth Ière, la fille de Pierre le Grand, qui va vraiment intégrer la langue française. La langue française arrive via Élisabeth Ière, et Catherine II s'inscrit dans cette continuité. Donc je dirais que Catherine, de ce point de vue-là, l'héritière pragmatique de Pierre le Grand pour tout ce qui est conquête, avancée territoriale, et d'Élisabeth pour ce qui est de la sophistication venue de l'Europe et en particulier de la France. Ouverture culturelle, ouverture artistique. Et on a aujourd'hui à Saint-Pétersbourg et dans les palais autour de Saint-Pétersbourg des traces évidentes de cet intérêt artistique. Et puis il y a sa passion pour la philosophie des Lumières et sa volonté d'ouvrir le pays à la culture. Alors il est intéressant d'observer que au début de son règne, eh bien elle va favoriser la publication en traduction ou en français de certains ouvrages qui vont paraître tels quels, mais aussi de traduction en russe de textes qui lui semblent importants pour justement ouvrir ses élites au savoir venu d'Europe. Mais la Révolution française va lui paraître vraiment trop dangereuse. Et là aussi, on va retrouver ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire un intérêt qui se tourne vers l'Europe, une volonté d'acculturer, si l'on peut dire, les élites russes à cette philosophie des Lumières et ce siècle français qui l'a séduit. Mais la deuxième moitié du règne, elle aura un autre discours, parce que il ne s'agit pas de perdre sa tête après celle évidemment tombée de Louis XVI. Et là, elle va fermer les imprimeries, elle va déporter un certain nombre d'intellectuels dont elle avait pourtant salué le talent au début de règne. Donc là aussi, vous voyez, on retrouve toujours cette ambiguïté. Marie-Pierre Rey, avec toute cette histoire que nous évoquons, Ivan III au XVe siècle, Ivan le Terrible au XVIe, Pierre le Grand, fin du XVIIe, Catherine II au XVIIIe. Nous avons cette longue histoire qui inscrit de plus en plus la Russie dans l'Europe. C'est-à-dire que du temps de Catherine II, la Russie peut-elle être considérée par les autres puissances comme un pays européen à l'égal des autres territoires? Ou alors y a-t-il toujours cette méfiance en disant « attention, ce sont ces peuples issus de barbares ». Alors, l'image de la Russie s'améliore avec Catherine II, en particulier parce qu'elle correspond avec les philosophes des Lumières. Donc, tout cela est extrêmement important. On peut considérer que il y a vraiment là une amélioration substantielle de l'image, mais ça ne sera pas très solide. Et on verra au XIXe siècle, en particulier sous Nicolas Ier, le retour d'un certain nombre de stéréotypes, vraiment d'images, de représentations très négatives qui reviennent avec toujours cette idée de barbarie et surtout de dureté. C'est ça qui est vraiment quelque chose d'essentiel. Nicolas Ier, on le surnomme Nicolas la Trique, justement en référence à ce pouvoir très dur, puisqu'on sait à ce moment-là toujours qu'il n'y a aucun citoyen en Russie, il n'y a que des sujets qui doivent tout au tsar. Et donc, malgré effectivement l'intérêt de Catherine pour les Lumières, finalement, de facto, elle concède peu en matière de liberté. clarté publique. Et par ailleurs, la fin atroce que va connaître Pougatchov, qui se soulève contre l'impératrice, hein, et qui va tenir tête pendant plus de 2 ans au pouvoir, la fin atroce qui lui est réservée va accréditer de nouveau, évidemment, l'image de cette barbarie qui continue. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Alors, il a été écartelé, d'abord, lorsqu'on l'a capturé, expédié dans une cage, et ensuite écartelé, et tous les lieux qui se déroulent, enfin, dans la Volga et l'Oural, puisque tous ces lieux étaient les endroits où cette révolte s'était propagée, tous les lieux vont être débaptisés pour qu'il ne reste rien de cette révolte. Et elle revient à des pratiques qui n'ont rien à envier à celles de Pierre et Ivan le Terrible. Et dans l'argumentation notamment de Napoléon au moment de la campagne de Russie, on retrouve ces échos à la barbarie. Il faut bien justifier la campagne. Il était un petit homme qu'on appelait le Grand en partant. Or vous allez voir comme il revint un petit à Paris. Guégué, mes amis, chantons le renom du Grand Napoléon. C'est le héros des petites maisons. Courant à perdre haleine, croyant prendre Moscou ce grand coup. Mais ce grand capitaine n'y a vu sa berge que du feu. Guégué, mes amis, chantons le renom du grand Napoléon. C'est le héros des petites maisons. Voilà, la campagne de Russie 1812 qui se termine mal et qui est chantée dans cette histoire. Marie-Pierre Rey, nous nous trouvons au 19e siècle. Napoléon, ça y est, n'est plus là. Il y a ce congrès de Vienne. La Russie, désormais, est complètement intégrée au concert des nations, à cette grande discussion, ou alors peut-on encore émettre quelques réserves ? Non, à partir du congrès de Vienne, elle est vraiment un acteur majeur de la scène européenne, reconnu comme tel, et je dirais que c'est le plus grand succès remporté par Alexandre Ier. Je mentionnais tout à l'heure son opération de séduction à l'égard des Français, mais il se rend en Angleterre où le même scénario va se dérouler. Il faut s'imaginer qu'il est obligé, c'est même assez cocasse, de sortir, quand il sort de son hôtel particulier, il est obligé de sortir par l'arrière-cour, tellement il y a de personnes qui se pressent pour voir le héros, entre guillemets. Donc, non, on a là une vague de grande popularité et en même temps la Russie qui va peser sur les décisions qui seront prises. Donc, elle est devenue un grand acteur. Mais que va-t-il se passer justement ? Ces succès, ils vont commencer à de nouveau faire peur, parce qu'on se dit, mais c'est une grande puissance, et peut-être trop grande. Et c'est ce qui expliquera évidemment, après la disparition d'Alexandre Ier et la venue au pouvoir de Nicolas, son frère, eh bien, on aura là avec lui une volonté de contenir la Russie, et de la contenir en particulier parce que la Russie se targue d'avoir une relation privilégiée avec l'Empire ottoman, de créer cette relation et d'avancer en fait dans l'Empire ottoman au détriment de l'équilibre souhaité par les autres puissances. Il faut mentionner que Alexandre Ier non seulement a travaillé au Congrès de Vienne à construire la puissance russe et pour prix de sa victoire contre Napoléon, à laquelle il était fait allusion, une partie de la Pologne tombe dans l'escarcelle russe définitivement. En même temps, donc, il a eu à cœur de penser donc les relations en Europe sur une autre base, et ça a été ce qu'on appelait la Sainte Alliance. Et la Sainte Alliance, donc, des trônes chrétiens. Et ça, c'est quelque chose qui est important, puisqu'on revient de nouveau à cette idée de chrétienté. Mais autant lorsqu'il met en place la Sainte Alliance, il en a une vision relativement libérale, autant avec Nicolas Ier, la Sainte Alliance va devenir un outil de répression des idées libérales, des mouvements qui aspirent justement à secouer le joug des empires. Et c'est ce qui va accréditer évidemment l'image négative d'une Russie gendarme de l'Europe, comme on l'appelle à l'époque. l'époque, c'est-à-dire qui n'hésite pas à envoyer ses troupes pour, entre guillemets, rétablir l'ordre en Hongrie, par exemple, hein, et mater donc l'espérance libérale. Et de même, Nicolas Ier va mater l'insurrection polonaise violemment de 1830-31 au nom justement de l'ordre, de la légitimité. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui est à souligner parce que l'embellie finalement du règne, de la fin du règne d'Alexandre Ier ne dure pas parce qu'en Europe, en tout cas du côté des libéraux et voire des républicains, on se dit mais la Russie, voilà, c'est cet outil répressif qui nous empêche nous, nations, d'exister en tant que telles. Et c'est d'autre part dans la tête des diplomates, eh bien cette puissance qui ne rêve que d'une relation privilégiée avec l'Empire ottoman qui détourne les autres États de cette zone. Et ce sera évidemment l'origine de la guerre de Crimée pour justement maintenir, contenir l'avancée russe en direction de l'Empire ottoman. En 1855, chez nous c'est Napoléon III, et il y a cette coalition européenne contre la Russie, avec cette peur que la Russie s'étende un peu trop en Crimée. Quel écho à l'actualité. Marie-Pierre Rey, la Russie face à l'Europe d'Ivan le Terrible à Vladimir Poutine. Dans cette histoire, il y a la rupture évidente de la révolution bolchévique au début du XXe siècle. Dans votre analyse, considérez-vous que cela change la politique internationale de la Russie par rapport à l'Europe ? Alors, la révolution d'octobre, c'est évidemment un moment extraordinaire pour les relations entre l'Europe et la Russie. Pourquoi ? Eh bien, parce que on peut dire que jusque-là, la Russie regardait toujours vers l'Europe. À partir de là, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que c'est la Russie bolchevique qui devient un modèle. Et on aura tout ce qu'on appelait les compagnons de route, la création des partis communistes, le Comintern, qui sont des structures, justement, qui visent à répandre, pourrait-on dire, l'idéal bolchevique dans toute l'Europe. Et donc, on a une inversion extrêmement importante qui se passe. On n'est plus dans une Russie qui regarde l'Europe comme un potentiel modèle, même s'il faut rappeler que au milieu du 19e siècle, avec les slavophiles, on a un rejet de ce modèle européen. Il est très important de rappeler que on a tout un mouvement qui se dit non, on n'a pas à regarder vers l'Europe pour aller de l'avant. On a trouvé en nous-mêmes, on a des valeurs, on a des pratiques, l'orthodoxie en particulier, qui doivent nous aider à penser notre futur et ne pas regarder vers l'Europe pour cela. Mais il est vrai quand même que jusqu'en octobre 17, les occidentalistes, c'est-à-dire ceux qui sont favorables à ce qu'on regarde vers l'Europe en Russie, sont nombreux. Et les bolcheviques, la révolution bolchevique inverse ses perspectives puisque elle incarne ce qu'on appelle la grande lueur à l'Est, c'est-à-dire l'idée que voilà, la grande lueur désormais, elle vient de cet idéal bolchevique. Et le succès de cet idéal, eh bien, il s'explique non seulement par l'attrait que peut représenter en soi à l'époque les idées marxistes-léninistes, mais également parce qu'il y a le traumatisme de la Première Guerre mondiale, de cette diplomatie ancienne, de toutes ces rivalités politiques et coloniales qui ont abouti à cette grande boucherie, cette catastrophe. Et d'où évidemment cette perspective presque millénariste en quelque sorte, hein, messianique, qui est de dire que ben voilà, la Russie, elle incarne ça aussi. Et quelque part, c'est tout le paradoxe aussi, pour un régime qui se veut athée, on a quand même toujours cette idée que finalement, c'est peut-être cette Russie exceptionnelle qui doit désormais montrer la voie. Marie-Pierre Rey, avec Vladimir Poutine, on retrouve la place de la religion dans le pouvoir et toujours cette idée de Russie exceptionnelle. Absolument. On a aujourd'hui une sorte d'instrumentalisation, d'utilisation de cette histoire de longue durée avec ce thème de l'orthodoxie et puis cette idée que la russité ne se réduit pas à l'Europe, que la russité est toujours dans comme l'aigle bicéphale dans la dualité et que par conséquent elle a sa propre voie à suivre et on est exactement aujourd'hui dans cette logique avec ce discours qui s'accentue d'ailleurs au fil des années. Oui, et puis nous avons évoqué durant toute cette émission une histoire faite de paradoxes, mais le paradoxe fait l'histoire. Cet aigle à deux têtes, c'est l'histoire de la Russie. Merci vivement vivement Marie-Pierre Rey, La Russie face à l'Europe d'Ivan le Terrible à Vladimir Poutine chez Champ Histoire. Ça, c'est votre ouvrage, mais je veux rappeler quand même Le Premier des Chefs, L'Exceptionnel Destin d'Antonin Carême, qui met en appétit chez Flammarion. Non, mais c'est toujours passionnant de partir avec l'histoire d'un chef pour raconter une histoire beaucoup plus large, parce que nous le savons, tout est lié, même les petits gâteaux. Absolument. Merci vivement Marie-Pierre Rey. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Savez-vous pourquoi les Chinois adorent Napoléon ? Napoléon Bonaparte est l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire mondiale. Même en Chine, on observe depuis quelques années un véritable engouement pour le grand homme. Là-bas aussi, on aime rappeler la fameuse prédiction qui lui est attribuée « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Le problème, c'est qu'aucun historien n'a jamais pu prouver que Napoléon l'avait bien prononcé. Jean Tullard, auteur du dictionnaire Napoléon, pense que la phrase « Laissez donc la Chine dormir, car lorsque la Chine s'éveillera, le monde entier tremblera » a été inventée par le scénariste d'un film intitulé « Les 55 jours de Pékin » sorti en 1963. Mais si la fausse citation de Napoléon s'est largement diffusée dans l'opinion publique française, c'est surtout grâce à l'essai d'Alain Perfitte intitulé « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Paru en 1973, l'ouvrage s'est vendu à plus de 885 000 exemplaires rien que pour l'édition française. Perfitte affirme dans ce livre que l'empereur aurait prononcé cette fameuse phrase à la fin de sa vie quand il était en exil sur l'île Sainte-Hélène. Mais les spécialistes ont constaté qu'il n'y avait aucune trace de cette prédiction dans la littérature abondante concernant la vie de l'empereur déchu à Sainte-Hélène. Quand on sait qu'Alain Perfitte, normalien et énarque, fut pendant quelques mois chargé de recherche en anthropologie au CNRS avant de faire une brillante carrière politique, quand on se souvient qu'il fut successivement ministre de l'Information, ministre de l'Éducation nationale et ministre des Affaires culturelles, on se dit que le niveau intellectuel de nos élites n'a peut-être pas régressé autant qu'on le dit sur les plateaux de télévision. Il faut néanmoins reconnaître qu'Alain Perfitte avait le don de choisir des titres qui faisaient mouche. La fausse citation de Napoléon a certainement contribué au succès de son livre, car aujourd'hui encore, le Napoléon se vend bien. Son fameux chapeau a été adjugé pour près de 1,9 million d'euros en 2014. La feuille de la couronne de son sacre, une œuvre de l'orfèvre Martin-Guillaume Biennet, a été vendue 627 000 euros. À chaque fois, les milliardaires chinois ont joué un rôle central dans la montée des enchères. Leur engouement pour notre empereur s'est également manifesté lors de la grande exposition inaugurée en octobre 2018 à l'Himalaya Museum de Shanghai, le musée qui appartient au milliardaire Jia Zikang. L'empereur fut célébré à cette occasion comme un héros chinois, dans une scénographie digne d'Hollywood, à tel point que les journalistes français qui ont visité cette exposition ont eu le sentiment que Napoléon avait envahi Shanghai. Dans toute la ville et jusque dans les centres commerciaux, on a montré son portrait en icône contemporaine, surdimensionné, avec son nom en français et en chinois, entouré de rectangles bleu, blanc, rouge pour lier les deux nations. On peut peut-être se réjouir que le personnage de Napoléon soit mobilisé pour symboliser l'amitié des peuples français et chinois. Il ne serait pourtant pas inutile de rappeler à nos amis chinois que, sous son règne, la France a été entraînée dans des guerres qui ont fait au total près de 1 million de morts. Merci beaucoup de ce rappel, Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi, émission préparée par Anne Toscane Viudès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes évidemment sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France où vous retrouvez également le pourquoi du comment de Gérard Noiriel.